Byung-tae Ok et Kim Joo-sik se sont classés premiers à l'épreuve de couple de la catégorie senior de la compétition de patinage artistique pour la Coupe Merano 2016, tenue du 10 au 13 en Italie, pour ainsi se qualifier pour le championnat mondial de patinage artistique de l'Union internationale de patinage 2017. Les patineurs ont regagné la patrie le 17 par train.